Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? On est ravis d'être tous touristes dans cette salle incroyable. J'espère que vous êtes heureux. L'objectif, c'est que vous soyez encore plus tout à l'heure. Est-ce qu'on est prêts? Je vous demande de faire du bruit à la direction musicale et au clavier pour Aurélie Mazin. Est-ce que ça va là-haut? Merci beaucoup. En chanteur dans la salle de bain. cœur en chiffon au fond des mâles. C'est pas sur quel pied danser, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal bondi de tous nos combats, la violence pour combler le vide de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait, on va danser. Merci. destiny. Ce soir, c'est est-ce que vous avez un bon sens du groove? Ça donne quoi quand tout le monde frappe dans les mains? Tout le monde est j'entends pas vos mains. Thank you. tu m'as relevé quand tu tombes, mon cœur qui se soulève. Now Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Je traîne ma peine. Une lame qui court, j'ai dans la gorge une boue comme une pierre. Merci beaucoup. Fond. Est-ce que Moque, moque, moque, moque des gens que tant de larmes mais bien comprennent. Vestige de gloire, douloureuse joie, vidé de l'histoire, il était une fois. Les bons souvenirs me brûlent. Et la main je fais quoi de mes pas, toutes mes remènes à des impasses. Et là je cours de quoi sans ta voix, sans ton mot. Madame, quand elle respire, Madame pleure, mon nom est sur ses non-dits, ses souffrances, son déguerre. Merci beaucoup. Vous savez que ce soir, je voulais vous entendre frapper dans les mains. Ça, c'est fait. Je voulais aussi vous entendre chanter. Thank you. Thank you. fait du bien. Chanson populaire, ça m'en a tout l'air. L'air de rien, en un refrain. Laissez-moi vous plaire. J'ai vu mon Dieu. Thank you. sourde, un rêve.